Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le 1er décembre les exercices de frappe aux canonnades soutenues des troupes de la batterie au front de l'Armée Populaire de Corée. Sur place, il a été salué par le sous-maréchal Fang Byung-so, chef de la Direction Politique Générale de l'Armée Populaire de Corée et d'autres commandants militaires. Disant que c'est le premier jour des exercices de combat et politique de la nouvelle année, le maréchal a félicité chaleureusement les officiers et soldats de toute l'armée, engagés comme un seul dans les exercices, suivant le mot d'ordre militant du parti, qui dit exercice, dit combat. Et de continuer. Pour l'armée populaire devant défendre la patrie et le peuple avec les armes, et remporter la victoire finale dans la confrontation contre les Américains, le renforcement des exercices s'avère crucial, car cela décide de l'issue de la révolution et de l'édification des forces armées révolutionnaires. Toutes les unités et sous-unités sont invitées à s'entraîner vigoureusement, suivant le mot d'ordre du parti de privilégier les exercices, de sorte que toute l'armée s'anime de l'ardeur d'exercice Paektusan. 2017 marque le 105e anniversaire du président Kim Il-sung, le 75e anniversaire du général Kim Jong-il et le 85e anniversaire de l'armée populaire de Corée. Donc, il faut imprimer un tournant révolutionnaire dans les exercices de combat et politique de la nouvelle année, avec la certitude en la victoire, pour faire de l'année suivante une année fière du renforcement de la combativité. La canonnade solennelle au premier jour des exercices de combat et politique de la nouvelle année sera une occasion encourageant tous les militaires à appliquer l'ordre du parti en matière d'exercice. Le commandant suprême Kim Jong-un est monté au poste d'observation pour écouter un rapport sur la disposition de la batterie des troupes d'artilleurs au front de l'armée populaire de Corée et le plan d'exercice aux canonnades soutenues. Regardant des centaines de canons motorisés à gros calibre alignés sur la distance de quelques kilomètres au bord de la mer, il s'est exclamé que c'est spectaculaire et que cela évoque un tapis de canons. Il a souligné « Ces canons invincibles à la position sont empreints du dévouement et des efforts du président et du général » consacré pour le renforcement des forces d'artillerie de l'armée populaire. Il faut faire retentir les grondements de canonnades faisant mouche dans la bataille pour faire honneur aux exploits de direction militaire de notre président et de notre général. Aux exercices ont pris part des sous-unités d'artillerie des troupes de défense insulaire à la première ligne du front dans les parages du front sud-ouest, chargé de la mission d'abattre la 6e brigade de la marine et de la troupe de Yeompyeong, relevant du commandement de défense des îles nord-ouest sud-coréennes, ainsi que des sous-unités d'artillerie à moyenne et longue portée au front, destinées à détruire des objectifs militaires et des établissements de domination réactionnaire dans la zone d'opération sud-coréenne, à l'orientation de frappes principales et supplémentaires du front, notamment la ville de Séoul. Sur l'ordre du maréchal Kim Jong-un, les troupes d'artillerie au front de l'armée populaire de Corée ont tiré enfin. Le commandant suprême a déclaré « C'est extraordinaire. Rien ne restera dans ces frappes. Une fois commencée la bataille, il faut frapper comme ça les autorités sud-coréennes. Aux premières frappes, il faut couper complètement la volonté de riposte des autorités sud-coréennes. Et s'il y a encore ceux qui se démènent désespérément, il faut abattre jusqu'au dernier et réduire toutes les cibles visées par nos vaillants artilleurs en tas de cadavres des ennemis. » Ri Sung-guk, chef du 4e corps d'armée de l'armée populaire de Corée, s'est déterminé à infliger les frappes de la batterie impitoyable aux tanières ennemies pour balayer de façon à ne pas chercher les ombres des ennemis implacables si le commandant suprême lance l'ordre. Le maréchal Kim Jong-un, esquissant un large sourire, a apprécié sa décision et fait remarquer que les troupes d'artillerie au front sud-ouest doivent tirer au canon juste après l'éclatement d'une guerre de justice pour annoncer la victoire de guerre et encourager des unités de l'armée populaire de Corée en progression au sud. Le maréchal Kim Jong-un s'est montré très satisfait de la réussite aux compétitions de tir canon et aux exercices de frappe aux canonnades soutenues. Il a dit « Ouvrir la porte de la réunification de la patrie avec les artilleurs et célébrer la victoire de la réunification du pays par les salves de feu d'artifice des artilleurs, voilà la conception de notre parti privilégiant les artilleurs et sa philosophie d'artilleur. L'attente et la confiance du parti sont très immenses à l'égard des artilleurs, dont la grande guerre pour la réunification du pays point de fer de l'armée populaire. Le maréchal Kim Jong-un a souligné que la guerre moderne repose sur le combat de la batterie et que dans la guerre moderne qui se déroule tridimensionnellement dans le ciel, sur la terre et dans la mer, sans égard au front et à l'arrière, l'utilisation de l'artillerie est un facteur majeur décidant de l'issue de l'opération et de la bataille, avant de présenter des tâches de valeur de programme dans le renforcement des forces d'artillerie.